Et salut, c'est l'heure d'écouter des litres de salive sur le 89.5 de Radio Dio. C'est le moment de libérer la chatte. Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre ? Ça peut arriver, tu crois ? J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés. Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc. Mais combien de fois t'as simulé ? Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis. Ah, c'est que ça alors ? T'es juste venu me pomper des infos. Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre ? Moi j'adore les histoires de pénis. Oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire. Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro ? Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus. Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Aujourd'hui, on va favoriser plutôt d'autres fluides corporels que la salive, comme par exemple la sueur. Parce que j'ai pas trop envie de parler et j'ai plutôt envie de danser. Oui, parce que je peux pas sans arrêt expliquer pourquoi les types, les ex, tout ça, sont affreux, égoïstes et irresponsables affectivement, parce que c'est fatigant. Je peux pas non plus tout le temps parler de parties génitales qui se frottent dans tous les sens et ça glisse, ou de bisexualité, ou de comment c'est trop bien de secouer son cul. Des fois, je dois me reposer un peu. Et puis en même temps, passer à l'action en dansant. Et oui, c'est contradictoire, mais en fait pas vraiment. Reposons l'intellect et activons les glutéus. Car oui, un certain nombre des muscles fessiers s'appellent en fait les glutéus, genre les glutéus médius, glutéus machin. Et en anglais, ça fait glute. Et je ne peux que souligner que quand même, c'est amusant parce que glute en langage stéphanois, ça veut dire la bière. Voilà, sur cette considération philosophique. Donc pendant une heure, je vais vous accompagner avec de la grosse pop qui tâche, et puis qui fait danser, qui fait se secouer comme ça. Donc une playlist festive, des trucs pas très très indés, hein, voilà, j'avoue. Et du son avec de la salsa, du reggaeton, et ça bifurque vers le dancehall, et avec entre un peu du hip-hop et des trucs un peu plus hybrides. Sauf exception et featuring minime, il n'y a pas de voix de cystype. Oui, vous savez, les cystypes, ceux dont le nom ressemble à la cystite, comme si c'était pour nous prévenir qu'ils allaient nous en refiler, des cystites. Voilà. Bon, j'ai trop parlé déjà. Alors, on va commencer la playlist avec de la musique qu'on peut appeler afro-caribéenne, du coup, Amérique latine et Caraïbes. En fait, il y a des appellations non coloniales pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Alors, je ne les ai pas beaucoup vues employer jusque-là. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais il y a des personnes qui disent, pour Amérique latine et Caraïbes, qui disent « Abya Yala » dans un certain nombre de mouvements sociaux qui ont repris, dans une perspective décoloniale, ce terme qui est utilisé par les populations Kuna de Colombie et du Panama et qui désignaient leurs terres avant l'invasion européenne. Et il y a des personnes apparemment qui disent « Améfrique ladine ». Donc ça, c'est un concept proposé par la féministe noire et brésilienne Leila Gonzalez, je suppose qu'il a été traduit du coup, parce qu'Améfrique... Bref. Du coup, je suis plus à l'aise avec Abya Yala, du coup, je vais dire ça. Ma source pour tous ces trucs, c'est le bouquin Imbrication de Jules Falquet, qui est une chercheuse et auteure qui travaille sur les questions d'intersectionnalité et d'oppression systémique, en particulier dans ces parties du monde. Donc pour commencer, des sons d'Abia Yala, et moi je commence à me dandiner dans le studio de Radio Duo. vez que nos sentamos a hablar. Esto que está pasando tiene que acabar. No te das cuenta que esta situación me puede afectar. Aunque digas que el amor no tiene edad, hay 20 primaveras gritando que esto está mal. Y una amistad profunda tengo con tu mamá. No sé qué harías tú en mi lugar, pero esto tiene que acabar. No te enamores de mí, que yo no soy para ti. No, no. No te enamores de mí, que esto no puede seguir. Sube. Tienes que controlar tu forma de actuar, pues tu madre ya está empezando a sospechar. Y el mundo se le iría patas arriba si viera su hijo y su mejor amiga. Hay 20 primaveras gritando que esto está mal. Y como un hombre yo no te puedo mirar. No sé qué harías tú en mi lugar, pero esto tiene que acabar. No te enamores de mí, que yo no soy para ti. No soy para ti. No te enamores de mí, que esto no puede seguir. No, no. Oye, qué rico. Écoutez toujours des litres de salive. On vient d'écouter. D'abord, c'était Calypso Rose avec la chanson Abatina. Calypso Rose, c'est une artiste de Trinité et Tobago. Et là, on vient d'écouter Ana Kaona, No te enamores de mi, c'est une formation musicale avec que des meufs dedans. Voilà, et elles sont cubaines. Et voilà, et je m'interrogeais sur ma propre démarche de chercher des mots non oppressifs pour désigner des lieux géographiques et qu'en même temps, je diffuse des trucs qui sont en anglais et en castillan. Du coup, on a déjà fait mieux contre le colonialisme. Bref, passons. Et on continue. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Yo quiero una mujer desinhibida, sin miedo a morderte la manzana prohibida. Embustera y atrevida, esa que por delante se lleva la vida. Te canto, ay mami, es que eres un encanto. Pero voy pensando mientras tanto, es que chichona chapulina, tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina verte tildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gusta la mujer empoderada, me gusta mucho más si se come esta empanada. Me gusta esa turra de nuca rapada, me gusta mujerona y no los cuentos de hadas. Me gusta cuando cachas porque estás como ausente, pero me gustas más cuando te pones caliente. Cuando pegas un grito potente y se enteran los vecinos y todos tus parientes que este par de tortas se están dando un revolcón, que están más calientes que una estufa de carbón. Que esto no es una reunión de abón, que acá le metemos duro, rico y cabrón. A mí me gustan de todos los colores, siempre que se muevan al ritmo de los tambores. Yo te lo digo, par de mil amores, pero ese par de nalgas le hacen falta propulsores. Vamos guapa, enciende los motores, pisando fuerte como los tractores. No te dejes llevar por los opresores. Esto es reggaetón, mami, esto no es folclore. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. thing is when I look into your eyes, I sense something so sincere in your disguise. You whisper secrets I hear only in my dreams. Then I wake up to your daddy's smoke screen. I wait patiently while you play your game, cause in the end I'll be the winner all the same. You'll see clearly when it all comes to a stop. I'll be the one blowing kisses from the top. So baby stop. You put your lips very closely to my face, and then you run away, and so begins the chase. I'll be the hunter, but boy, you better pray, cause when I want you, I'll get you anyway. You know what I wanna do, it ain't nothing new. I'm tired of dropping clues, so when I step to you, will you rise to my occasion, or will you make me change your station? Que vous avez senti toute la puissance de l'espèce de pop latino mainstream des années 2000 avec cette chanson, une chanson de Mia, mais qui s'écrit pas comme l'autre Mia, c'est Mia avec un Y, une chanson qui s'appelle Do You Only Wanna Dance et qui provient de la BO de Dirty Dancing 2, parce que ouais, il y en a eu deux. Et le deuxième, il est sorti en 2003, 2004, je sais pas trop. Bref, et ça se passe à Cuba, du coup, il est florilège de ce genre de son dans la BO. Et après tout, c'est assez appréciable, je dois dire. Avant ça, on avait écouté d'abord Chocolate Remix avec Como Me Gusta a Mi et La Yegros Trocitos de Madera. Et on continue à fond dans les années 2000. Come on people, let's get loud. Let's get loud. necesito la gata en celo contigo. Te corto el oído para tenerte en alto. Ella muere por ti, tú por mis quemates. Yo sigo tranquila, como una paloma de China. Chita ya se pasa en su BM al lado mío. Yo de aquí no me voy. Sé que esto para mí ninguna va a poder quitarme. No te entero. Yo soy la que cometí. Llevo el malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle, porque me vive volando mambo pa' ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores. Mientras él te compra flores, yo compro con... Soy loca con mi tigre. Cuanto más rayas mejor, y mira, eso es lo que dice. Soy loca. D'écouter Jennifer Lopez avec c'était quoi déjà son titre, hein, avec Let's Get Loud, et Shakira avec Loca, des classiques, hein, j'ai envie de dire, voilà, c'est voilà, classique, les années 2000, tout ça. On va commencer à amorcer un petit virage vers tout ce qui est dancehall hip-hop à partir de maintenant. Cecile on red alert. Bad girl. Oh oh. Cecile. Yeah. Tell him. Honey, daddy, you're your hot and you're sexy. They're not hot like we, like we. They're not hot like we, like we. They're not hot like we, like we. They're not hot, they're not hot, they're not hot, they're not hot. Pull up, pull up from your want somebody. Don't you wanna get it on with a badass chick? Pull up from your want somebody. Say hey. Pull up, make me turn and twist. Jamaican bad girl, it's like a ton of bricks. Pull up, sit down on it and make your head. A girl want my man, well me no care about that. No competition, come a good in the sack. Use up my tongue, I'm in afraid of a shot. Go for rotate it when they put my pants up. Me not lie, me freaky, so use the hot box. Tie you up on the bed, make me walk you relax. Wicked is slang when my muscle contract. So no time at all, them can't say my flat. So baby, pull up from your want somebody. Don't you wanna get it on with a badass chick? Pull up from your want somebody. Say hey. So baby, pull up, make me turn and twist. Jamaican bad girl, it's like a ton of bricks. Pull up, sit down on it and make your hot. Your hot and your sexy, them a hot like we, like we, them a hot like we. Make your only to see you can get you where you want. Had enough. Always ready for the always ready for the who not ready for the from you know you want the group and you full up and so baby pull up from your want somebody. Don't you wanna get it on with a badass chick? Pull up from your want somebody. Say hey. So baby pull up, make me turn and twist. You make a bad girl look like a ton of bricks. Pull up, sit down on it and make your hey. Like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we, like we

c'est quand les Barbie qui kiffe la purple monnaie. Ok, jolie date fort. Lisa, tu me vois, yaourt de fruits. Lisa, bon, venons au fait. Je suis toujours classe, c'est la vie et j'aime plaire. Et ben non, moi je suis pas refaite. Mais toi je t'aime si t'es métisse aux yeux clairs. Sauf si t'es une petite bite, tu me fais de la peine. À cause de ça, tu peux mettre en colère. Si tu me connais, tu sais que ma chatte refaire. Et que j'irai pas pleurer auprès de ma mère. Trop de mecs, t'as un cabestro au sommet. Le terre-terre, voilà ton sommet. Ta gueule, Lisa, t'as trop une grande gueule. Excusez-moi si je loue, c'est que je me sens seule. Si j'étais un mec, j'aurais une big dick. J'aurais baisé toutes les chaînes de Paris. Goûte mon yaourt aux fruits. Qu'est-ce t'en penses, mon ami? Mes ex sont mélancoliques. Pas de ma faute si j'aime la bite. J'me pavane, ami, ami. Pour mettre la douille, tu seras mon guide. Pour te dire des trucs vrais, je serai ton guide. On m'a trop souvent dit, Lisa, t'as pas la magie. Nique ton père, j'aime trop la vie. Vas-y, va goûter mon yaourt aux fruits. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, fruits, yaourt aux fruits, fruits. Je comprends pas pourquoi je l'ai trop maté. Boyfriend, girlfriend, à moi de choisir. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, fruits, yaourt aux fruits, fruits. Je comprends pas pourquoi je l'ai trop maté. Girlfriend, boyfriend, à moi de choisir. Je comprends pas pourquoi je l'ai traumatise. Boyfriend, girlfriend, à moi de choisir. Vilain, laisse-moi. Mon mec kiffe me prendre en levrette. Son yaourt aux fruits a bien dépassé sa braguette. Hein, négresse, j'ai mal. Mais c'est bon. Putain, j'suis chaude, j'ai trop la dalle. J'suis un bonbon. Bon, venons au fait, je suis arrogante, c'est ma vie et j'aime plaire. Et ben non, moi je suis pas refaite. Imagine-moi à poil sur ta quéquette. Sauf si t'as une petite bite, le spectacle s'arrête. Me prendrai pas la tête pour un mec. Goûte mon ananas sur ta banquette. Grâce à moi ta meuf dira que tu progresses. Mec, joue le rôle, pilote, hôtesse de l'air. Ramène les jambes en l'air. Regarde, tu deviens raide. Prends mon yaourt. Prends mon yaourt dans ta face. Je reçois l'amour quand je passe. Je te tape dans l'œil. Tu veux me bouffer la chatte. Pas de problème, tu butes à la salle. Je marche vers toi, léchant mes lèvres. Bouge mes hanches de gauche à droite. Tu veux savoir quel goût j'ai. Yaourt aux fruits, caramel. Contract asiatique. Black girl, bad bitch. Black girl, bad bitch. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, fruits, yaourt aux fruits, fruits. Je comprends pas pourquoi je l'ai traumatisé. Boyfriend, girlfriend, à moi de choisir. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, yaourt aux fruits, fruits. Yaourt aux fruits, fruits, yaourt aux fruits, fruits. Je comprends pas pourquoi je les traumatise. Girlfriend, boyfriend, à moi de choisir. Je comprends pas pourquoi je les traumatise. Boyfriend, girlfriend, à moi de choisir. Et c'était Lisa Monet avec Yaourt aux fruits. Moi, j'arrive pas à m'enlacer, j'arrive pas à m'enlacer. Voilà, je sais, je la passe souvent dans les émissions, mais voilà. Et quand même, cette personne a des très, très bonnes punchlines dans le rap français, genre vraiment. Mes ex sont mélancoliques, pas de ma faute si j'aime la beat. Voilà, c'est beau, je trouve ça beau. Et aussi, nique ton père, j'aime trop la vie. Voilà, je suis émue. Avant, Lisa Monet, c'était quoi déjà? Oui, bah c'était Meryl, un peu incontournable sur le dance floor, tout ça, avec Coucou. Et on continue avec Holly J, Bandit. Yo, yo, yo, yo. Little boy, little boy, little boy, little boy. Look at that sexy shot. Yo, yo, yo, yo. Du studio, Oli G. Yeah, yeah, yeah. Little boy, little boy, little boy. Look at that sexy shine. Logade, ouais, shot là, c'est vendredi. Mec, shot tard, au sol, à nous de sortir. Pas fait chichi, même si normalement c'est un bandit. Et nous, rivé, nous qu'à couler bon NSC. Oui, oui, oui, oui. Un petit bandit, un grand bandit. Oui, oui, oui. Un grand bandit, un petit bandit. Oui, oui, oui, oui. Bon NSC le vendredi. Oui, oui, oui, oui. Le vendredi, bon NSC. NSC, si, si, si, si. Un grand bandit, un petit bandit. Le vendredi, le vendredi, le vendredi. On dit oui, oui, oui, oui, oui. Les nous rivés en soirée, là, nous si prestance. Ouais, ni ambiance, DJ nous qu'a fait en confiance. Pas garder nous, nous pas capitos pour Santos. Yo quiero a tu, de desesperados. Les nous quand tes amis faut pas ou mal gouiner. Laissez glisser, DJ la voyait y aller. Nous j'a chaudé, à présent faut nous secouer. Sinon là, c'est pour décompresser. Oui, oui, oui, oui. Un petit bandit, un grand bandit. Oui, oui, oui, oui. Un grand bandit, un petit bandit. Oui, oui, oui, oui. Bon NSC le vendredi. Oui, oui, oui, oui. Le vendredi, bon NSC. Si, si, si, si, si. Un grand bandit, un petit bandit. Le vendredi, le vendredi, le vendredi. On dit oui, oui, oui, oui, oui. Pas besoin de table, soit là, c'est NSC. Crois qu'ou pas, au vert, t'es balle aussi. Ton petit bandit, ton grand bandit, on l'aime aussi. Parfait magie, nous c'est les Oli G. Oui, oui, oui, oui, oui. Un petit bandit, un grand bandit. Oui, oui, oui, oui. Un grand bandit, un petit bandit. Oui, oui, oui, oui. Bon NSC le vendredi. Oui, oui, oui, oui. Le vendredi, bon NSC. NSC, si, si, si, si. Big up à Great Company. Oui, baby. Wow. Arrêtez, ils ont même. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui. Rookie of the Year, Mickey Blanco, Young Castro, Killer. We on that chill tip, real high. We feeling real loose, real fly. We on that chill tip, real high. We feeling real loose, real fly. Welcome to hell, bitches. This is Mickey Blanco. New world order, motherfucker, follow pronto. You get in line, nigga. Your soul is mine, nigga. You skinny cat pussy, motherfuckers can't deliver. Maybe she born with it. Maybe it was Maybelline. All white blonde will give you heathen ass a christening. Niggas so greasy in the daylight and glistening. All this back and rap, yeah, they saying it, they listening. Pissed listening in the wind at the 4 a.m. spot. Blazed off the indica, a bottle of Ciroc. A mouth full of pop, chugging in the payphone. 1-800 local motherfuckers, y'all can go home. I'm your new Rufio, y'all ain't know. I pimp slap you bitch niggas with my left wrist, bro. What the fuck I gotta prove to a room full of dudes who ain't listening to my words, cause they staring at my shoes. We make love to the night. In the back of the club, yeah, we feeling the vibe. Life's love, this shit feel crazy. Low key, loose niggas love. We getting wavy, love. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy, we getting wavy. We getting wavy, we getting wavy. We on that chill tip, real high. We feeling real loose, real fly. We on that chill tip, real high. We feeling real loose, real fly. I bite the head off a heartbeat. Eat these bitches alive, no warning. I cry blood, tears, holy Mary, holy mother. Somebody get the shaman, motherfucker, run for cover. Blanca, Blanca, Blanca, say it three times, Candyman. I'm coming out of the door with red eyes and red hands. I stop these haters with a sickle, I'm a sling blade. I cut, dope bitch, I cut, dope bitches, keep away. Now many blame me for dummy, not funny. Now a bitch about to get many, they wanna let me tell them. No, no, no, I pray to destiny, shot. Young hearts run free, young bloods run wild, hey. Green light with a mic in my hand. I go forward into battle with a dice in my hand. One chance, one woman, seeking the truth. One truth, veiled in the illusion of the youth. We make love to the night. In the back of the club, yeah, we feeling alright. Lights slow, this shit feel crazy. Low key, loose niggas love. We getting wavy, we getting wavy. I'm at the side with you niggas. Be that spit of shit, I'm flexing on my powers on nigga. He's no class trash, you heard. Rap broads ain't got what it takes. Put him back in training bras. No for motherfuckers, birds up a feather. If you's a dick rider, you gon' dick ride forever. So no for motherfuckers, birds up a feather. If you's a dick rider, you gon' dick ride forever, nigga. We make love to the night. In the back of the club, yeah, we feelin' alright. Lights slow, this shit feel crazy. Low key, loose niggas love. We gettin' wavy, love. We can't wave, we can't wave, we can't wave, we can't wave, we can't wave, we can't wave, we can't wave. Regular. regular. I be running this shit like a senator. All these niggas be ringing my cellular. You a five, but you know I'm a ten and I step up them dead and all. Know you love it, sookie, sookie. Eat the pussy like a pussy. Know you feeling for the cookie. Need a pro, no rookie. Baby, dip. Will I shake that shit? Baby, dip. Can you make it dip? Baby, dip. Will I shake that shit? Baby, dip. Can you make it dip? Dandada, big guala, big back, big stack, big, big mama. Ready with the semi, looking like a top shatter. Holy gun, man, gon' make me swallow. Dung in my belly, dung in your throat, bitch. Fuck up in a jelly, give me my toe twitch. Beat it like a semi, ready for the dealings. Them type of fuck, me catch feelings. Them type of fuck, me get hook. They shout the thing like your name cook. Real bad girl, no fi take hood. What you mean? Girl, you fi set good. Iced out, busy, wrist too heavy, done too shelly. Armed and ready, way too steady. Big guy, let me like Nelly Kelly. Baby, dip. Will I shake that shit? Baby, dip. Can you make it dip? Baby, dip. Will I shake that shit? Baby, dip. Can you make it dip? You know I'm a baddie, you know I'm a baddie. Starting off gold like Gaddafi. I'm in the Ferrari, come fuck with the Stanley. About to bowl out with your daddy. Nigerian man, good up and strong. Your skin out and beat it like Budung Badang. Yard man, give me the wickedest sound. Drill on me, bat man, wap on me hand. Et on vient d'écouter Mickey Blanco avec Wavy. Et ensuite, c'était Rai Rai et Mia avec Sunshine. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'était Steph London et MS Banks avec une chanson qui s'appelle Deep. Il est l'heure et je vais vous laisser avec un des derniers morceaux de Rosalía qui s'appelle Saoko. Et qui est bien dansant aussi. Au mois prochain, salut. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Cuando pone perla en el collar, tu plan diferente ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela uno. Cuando te noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Yo me transformo, me capté de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Frank me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te lego, bebé. Kinky cuando te habla un bebé. Un T-Y con tal dive, bebé. La calle no vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla quemar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Los caramelos de la moza. Cierra la pámpara. Nada te puede parar. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo, toca el estilo, toca el stylist, toca el estilo. De la tijera y ya, cógela y córtala.